Yo, ici c'est Tienzo, les mecs du bitume. Grâce qu'on a le représente, à mon tour je t'expose les mecs fait. Du bitume. Histoire que tu comprennes mon vie, man, yo, écoute. Les mecs, si soit t'es fou, ou soit t'es un mec foutu, vénère, de toute façon on est tous foutus, autant tout foutre en l'air. C'est ce que disent les jeunes des ghettos par le système dégoûté, qui les tire vers le pire, les incite même à dérouter, à baisser leurs parents en rentrant dans la délinquance. On peut nier, ça t'emmène là-dedans dans les dortoirs de la France, sous la souffrance. Ça passe sur des gens dans le désespoir, mais moi je t'assure, à un moment je n'avais plus la force d'y croire dès la naissance. Déjà soldat du béton volontaire, donc faut de la volonté pour pas devenir un violent frère. Violer les lois de ce pays qui nous veut derrière les barreaux. Encore que ça leur fout le barreau de voir les jeunes devant leurs barreaux. C'est chaud dans un contexte pareil de rester pacifique. De plus, venant de garde, banlieue rebelle et zone à risque. Pour m'en sortir avec la musique qui m'aide à bosser, progresser. Et qu'il n'y a pas 140 façons de représenter 9 sans blesser. Si on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, qui ne cesse d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Ainsi, on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, qui ne cesse d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Dans le bloc, on dirait que tout le monde a la même destinée. Est-ce que d'école au centre, c'est ainsi que c'est décidé. Personne se fait des idées dans ce putain de merdier. On oublie par le col et le shit, c'est notre façon de résister. Mais à force de se faire au foule par le système écarté de la file, comme le reste de la foule, on veut se faire de l'argent facile. Le mal c'est louche, je viens de la nommer ami dans le mille. Attirant comme des mouches en été, ces flics en civil. Mais nique sa mère les flics, faut du fric, donc faut du cran. Donc certains décident de trérant dans la cour des grands. La sacra, les mecs rament, font des crimes pour des chromes. Font les par les arts, leur dégoûme, se dégomme à coup de gueule. En fait, pour survivre, chacun s'adapte au climat. On se donne un instinct de chacal, inutile d'être clément. Et on s'emporte dans la vie, jusqu'à temps que la mort l'emporte. Toute la vague vient de sonner à la porte de notre appartement. Ainsi on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, ne cesse d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Ainsi on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, ne cesse d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Ouais, que l'incrédible dans mes textes, mes réels sont les mots qui reflètent la vérité de nos ruelles. Y'a trop d'homicides, de contrôle de flics abusifs. Autant de fusillades, de jour que la nuit, trop négatif. Et l'atmosphère au quotidien, trop de trafic illicite. Braquage en cagoule, pour certains c'est critique. Départ au casse-pipe, détention d'armes illégales. Uzi, fusil à pompe et bombe artisanale. Ça tire au gros calibre, sans faire l'armée on fait la guerre. Tous les jours dans la rue, c'est la banlieue étrangère. On devient des mecs du bitume, tous forgés par le terrain. Casse pas les couilles, personne t'emmerde. Si tu fais chier, on te pète les reins. Si tu poucaves, t'es mort, c'est la coutume du bitume. Aucune heure de colle à l'école de la roue, c'est cool. Mais ici, bas ça craint, car toi et la santé, on s'en rancune. Dès qu'on a fait un faux pas, quand prendre le volant sous alcool. Ainsi, on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, mais c'est d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Ainsi, on vient de réciter l'état des lieux de nos cités. Si t'as pas tilt, on fait le topo de la situicité. S'il faut du vice, mais c'est d'inciter. Car si tu fais ici, tu te fais descendre aussitôt. Pour les mecs du bitume. Pour les mecs du bitume. Pour tous les quartiers, man. Nord, sud, est, ouest, les blocs de la France, man, yeah. Les mecs, on arrive sur tous les sens, négro, NAS, Robin, foot, le souk, ici bas, 951-91-9293, c'est le même bordel partout, tout part, tout le monde vit la même, mec, rien à foutre. Ah ouais, c'est comme ça, on ne vit pas ici, on survit, je t'assure sur ma vie, mec, du bitume.